Mon papy, si tu voyais ce qu'on nous montre à la télé, les bimbos de plastique, la blaireau pathétique. Ma mamie, si tu savais les modèles qu'on nous soumet, les abdos qu'on inflige comme silicone qu'à les piges. Tomber dans les escaliers, défoncer fleurs d'oranger, pastilles Vichy, pain grillé, des promenades pour digérer. Oh, je veux vieillir avant de partir. Je veux voir mes rides avant de mourir. Tous les matins en premier, page 3, je vérifierai qu'ils m'ont encore oublié dans leurs avis de décès. Je ferai en rond à ma serviette le même couteau, la même assiette. Je ferai bricolage fil de fer avec mes doigts mis de travers. Eau de Cologne à deux balles, actualité régionale. Je regarderai Drucker parce qu'il est éternel. Je parlerai de ma pauvre mère parce qu'elle, elle ne l'est pas. Oh, je veux vieillir avant de partir. Je veux voir mes rides avant de mourir. Un soir d'automne, je partirai. Une petite fée comme toi, pareille là sur ma peau, toi le ciré, posera le dernier baiser. Mes rides avant de mourir.